Chapitre 26e. Un jour, l'idée vint au comte d'aller faire une visite à Madame de Morincourt. Il ne l'avait pas vue depuis leur tour de Jacques et n'était pas fâché de savoir ce qu'elle lui dirait d'Henriot. Le comte n'avait qu'un défaut, la curiosité. Il ne pouvait se résigner à perdre de vue un sujet quand il avait commencé à l'étudier. C'est ainsi que, après avoir assez durement traité André le jour de son mariage, il se garda bien de lui faire mauvaise figure lorsqu'il la retrouva plus tard chez son père. Il n'éprouvait aucune sympathie pour la fille de Passemard, mais elle l'avait intéressé à première vue comme un cas féminin assez rare et qui n'était pas indigne d'exercer sa sagacité. D'autre part, Madame du Morincourt craignait un peu le comte. Lorsqu'elle leur vit au retour du voyage en Espagne, elle évita de faire la moindre allusion à la scène de la sacristie ou même de paraître s'en souvenir. « Monsieur de Garamante, est-ce bien vous que je vois ?» dit-elle lorsque le domestique ouvrit la porte de l'oratoire gothique à longue fenêtre en ogive qu'elle avait fait meubler dans le goût sévère, un peu raide, du XVe siècle, et qui était devenue sa pièce favorite. « Moi-même, madame, » dit le comte en s'inclinant. « Me permettez-vous de vous demander pourquoi vous paraissez si surprise en me voyant ?»« C'est que je n'osais plus espérer le plaisir que vous voulez bien me faire aujourd'hui. »« Il est vrai. J'aurais dû déjà venir vous présenter mes hommages. Mais vous savez, à Paris, on ne trouve jamais le temps de faire ce dont on n'a pas envie. Oui, je le sais. » « Oh, ne vous en défendez pas. Les sympathies sont libres. » « Et à ce propos, une question. D'où vient donc, je vous prie, cette grande affection que vous avez pour Jacques Henriot ?»« Mon Dieu, madame, cela est à la fois très simple et très difficile à expliquer. Est-il rien de plus fugitif, de plus subtil, de plus insaisissable à l'analyse que ces sympathies dont vous parliez tout à l'heure ?»« Comment ?» Un observateur comme vous, qui a trop la passion d'étudier les autres pour n'avoir pas un peu le goût de s'analyser soi-même, ne saurait pas pourquoi un jeune homme, inconnu de lui il y a 2 ans, a pris si rapidement une place dans son cœur. Vous allez me faire croire que vos sentiments, amitié ou antipathie, manquent de logique, monsieur. Rassurez-vous, madame, ils en ont beaucoup au contraire. Quant à l'intérêt que m'inspire ce jeune homme, je suis un peu embarrassé pour vous dire comment il est né. Si je ne le suis plus pour vous expliquer comment il a grandi. Vraiment, savez-vous que vous m'intriguez, on ne peut plus. Contez-moi donc cela, dites. Soit. Eh bien, madame, figurez-vous qu'au moment où je l'ai connu, je me suis mis en tête qu'il était éperdument amoureux. Ah, oui, et qu'il aimait quelqu'un qui ne le lui rendait pas. En vérité, parfaitement, et que la personne en question, tout en ne voulant pas de ce brave et honnête cœur qui s'offrait à elle, entretenait cet amour au lieu d'y couper court, comme une jolie chatte, gourmande et cruelle, s'amuse à se faire les griffes sur une pauvre petite souris. Blanche, ce sera plus touchant. Vous êtes de la société protectrice. Oui, mais pas des animaux de proie. Ceux-là, je les combats. Continuez donc, cher monsieur, vous m'intéressez puissamment. Trop heureux, madame. Je me suis donc senti pris d'une commisération profonde pour ce malheureux que je voyais, que je croyais voir, engagé sans guide, sans conseiller, avec l'inexpérience de sa jeunesse et la candeur de sa loyauté, dans une de ces dangereuses aventures où il aurait fallu, pour se tirer d'affaire, tout ce qui manquait à Jacques, la dextérité, l'art de se faire valoir, un certain talent de mise en scène dont il a toujours été dépourvu. De sorte que votre affection a commencé par la pitié. Ce n'est pas flatteur pour lui. Ne pensez-vous pas que ça l'est moins encore pour la femme qui a rendu ce jeune homme misérable à tel point qu'il inspirait la compassion avant l'estime? D'ailleurs, l'estime est venue à son tour. J'aimais Henriot non seulement parce qu'il souffrait, mais parce qu'il souffrait avec une dignité stoïque qui n'allait point sans grandeur. Oui, c'est vrai, dit-elle rêveuse, le regard vague, oubliant presque la présence du comte. Elle ajouta, après un léger soupir, d'une voix très douce et qui ne gardait plus rien de ce qu'elle y avait mis de mordant depuis le début de la conversation. « Poursuivez, je vous prie, monsieur. Comme vous, je suis l'ami de Jacques depuis plus longtemps même. » Le comte, un peu surpris de ce changement dans le ton d'André et dans l'expression de son visage, reprit après un silence. « Je l'ai aimé aussi parce qu'il me consolait du spectacle que m'offre une partie de la jeunesse de ce temps. » Celle que je suis condamné à rencontrer dans le monde, au théâtre, sur le boulevard. J'ai horreur de ces petits vieillards de 25 ans, secs, égoïstes, compassés, qui vivent de report ou de chevaux. Henriot me plaît, au contraire, avec sa fierté un peu sauvage, la franchise et la résolution qui donnent quelque chose de si mal à ses traits. Il s'est beaucoup mûri pendant ce long voyage. J'ai vu partir un grand enfant timide, je retrouve un homme, et fortement trempé, je vous le jure. Vous trouvez? Oui. Son talent même s'est modifié. Les maîtres vénitiens et l'Orient lui ont révélé le secret de la lumière. Il rehausse maintenant le mérite de son dessin ferme et correct par l'éclat d'un coloris que je ne lui connaissais pas. On vient de lui payer très cher quelques aquarelles qu'il avait faites en se jouant. Je ne doute pas que dans quelques années, sa réputation ne soit solidement établie et sa fortune faite. Voilà qui est parfait. Il ne reste plus qu'à le marier maintenant, dit-elle avec une gaieté un peu forcée. J'y songe, madame. En vérité, vous êtes un père pour lui, monsieur, ou plutôt, mieux encore, une maman. Sans doute vous êtes-vous mis en campagne déjà pour lui trouver une femme. C'est, ma foi, bien possible que je veuille faire ce cadeau de prix à quelqu'un qui m'en paraîtrait digne. Vous savez, les vieux garçons, c'est comme les vieilles filles. Ils ont la manie de marier les gens. Est-ce par rancune contre le célibat? Qui sait? Peut-être bien. Et puis, voyez-vous, madame, j'arrive à l'âge où l'on commence à passer sa vie en revue pour savoir quel bagage on emportera dans le voyage inévitable et prochain. Je n'ai pas fait beaucoup de mal, si ce n'est à moi-même, peut-être. Mais cela ne suffit pas. Je voudrais, avant de partir, avoir fait un peu de bien. Ce jeune homme m'en a fourni l'occasion, et je l'en aime davantage. Il n'est pas interdit, je pense, de s'attacher aux gens par ce motif qu'ils ont besoin de vous, et de leur savoir gré non des services qu'on reçoit d'eux, mais de ceux qu'on leur rend. Oh, je sais bien que c'est là une conception de la reconnaissance qui paraîtra baroque. Ma foi, tant pis. Je me suis mis en tête de faire pour ce grand garçon-là ce que j'aurais fait pour un fils, d'être un peu son guide, l'ami prudent qui écarte de sa route les périls de la vie, qui veille discrètement sur ses affections et le prévient lorsqu'il les place mal, d'avoir en un mot de l'expérience pour lui, qui a de la jeunesse pour moi. Et savez-vous ce qui arrive? C'est que je suis payé au centuple, étant plus content de moi-même en ce moment que je ne l'avais été jusqu'alors dans le cours de ma vie égoïste. J'ai donc fait enfin une bonne action, madame. Vous voyez que je dois beaucoup à Jacques. Je ne suis que sa sagesse. Il est, lui, ma vertu. Le comte s'est élevé en achevant ces mots. André, le menton appuyé sur la main, restait perdu dans une rêverie si profonde qu'elle ne s'aperçut pas d'abord que M. de Garamante allait prendre congé. « Vous voudrez bien me rappeler au souvenir de M. de Morincourt, » dit-il. « Je n'y manquerai pas. M. de Morincourt sera très sensible. J'ai oublié de dire l'autre jour à Jacques que j'étais tous les jours chez moi de 5 à 7. Voudriez-vous être assez bon pour le lui dire de ma part et que je serais heureuse de le voir ?» M. de Garamante s'inclina et sortit. Quand il fut dehors, « Ah ça, se dit-il, qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là »